Alors, je me souviens pas exactement de la question, à la première partie, ça Daniel, avait rapport mais seulement à la que je pense. À travers les barreaux de chaise. Je pense que ça avait attrait à ce qu'il faut faire lorsqu'on est chez nous, lorsqu'on est seul, pour hausser son taux vibratoire, pour justement changer de canal. Je pense que tu t'appelles pas de la question. Tu penses que c'était l'essence de la question. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est chez soi pour hausser son taux vibratoire? Chez soi ou dans un lieu où on n'a pas, disons, où on est seul, surtout pour débuter. Là, OK, ta question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'un être humain totalement manipulé, sans libre arbitre, avec un taux vibratoire très bas, assez qu'il ne peut pas voir, qu'est-ce qu'il doit faire pour hausser son taux vibratoire? Ça, c'est juste. C'est une maudite question, là. Mais c'est la question de l'humanité. Ah, je sais, je t'entends tous crier. Rien. C'est une autre question? Oui, on va en trouver d'autres. Mais rien pourquoi? Parce qu'il va se produire quelque chose ou il ne se produira voilà. Rien selon le taux non. vibratoire de l'individu? Rien parce qu'il ne peut rien faire. Ça, c'est fondamental. Bon, rien parce qu'il ne peut rien faire. Tu as pu expérimenter à travers tes différentes vies que l'humain était manipulé. Puis que quand l'humain pensait qu'il avait trouvé et que l'humain décidait d'y qu'il allait, c'était tout un homme en chure encore. Et finalement, bon, rien. N'empêche qu'il faut absolument hausser son taux vibratoire. Alors, dans ce que tu dis, il y a un point qui est correct aussi. Une chance pour l'humain, c'est qu'il y a quelque chose qui se fait présentement pour hausser son taux vibratoire. Et là, ce que l'humain doit faire, c'est ça qui fait partie, ça fait partie ça de où souvent je m'en fâche quand je commence à expliquer. Ou encore, ça fait partie du moment où les gens m'interrompent. Bon, tu voulais dire quoi? Est-ce qu'on pourrait comparer ça à un culturiste, un athlète, Daniel, qui s'entraîne, il vient à des conférences, il lève des poids, les muscles grossissent. Quand il s'en va chez eux, les muscles sont plus petits. Mais s'il en a besoin, il y a une capacité plus grande de force. Ça, c'est évident qu'un individu qui est manipulé et assisté à mes conférences va nécessairement avoir son taux vibratoire augmenté. Bon. Mais pas seulement qu'à tes conférences. Il peut faire ça en étant chez eux, en lisant des mes livres en écoutant mes cassettes. Ou la cosmogonie du Rancia, ou bien... Oui, évidemment. Je dis qu'un individu qui vient à mes conférences hausse nécessairement son taux vibratoire. Je ne peux pas dire que c'est la façon exclusive, évidemment, parce qu'il y a en masse de façons sur la planète Terre pour le hausser. Maintenant, présentement, il y a tout un travail qui se fait de façon à... On revient une page ou deux en arrière. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On va faire un point avant. Mais c'est le genre de point que je déteste faire parce que je suis un bon gars. Puis moi, je peux facilement supporter des visions comme ça, alors que la majorité des humains ne peuvent pas. OK? Bon. Présentement, actuellement, dans l'état actuel des choses, l'être humain ne peut rien faire pour s'en sortir. Rien. Non seulement tout ce qui existe dans le contexte planétaire travaille contre lui, même ce qui semble travailler pour lui, c'est uniquement pour qu'il s'endorme. Après ça, on le rentre la tête première dans son tas de boîtes. Puis l'humain est manipulé, l'humain ne peut rien faire. L'humain explique toutes ses conditions en fonction de ce qu'il a vécu, donc l'humain est toujours carrément en arrière sur tout. Il t'arrive quelque chose, t'expliques ce qui t'est arrivé. Tu vis une chose, t'expliques ta compréhension. Fait que l'humain est totalement et constamment en train d'inventer le mensonge cosmique. L'humain est le créateur du mensonge cosmique. Le mensonge cosmique, on ne l'a pas amené là. Où on a amené le mensonge cosmique, c'est l'homme qui l'a créé. L'homme part handicapé. Et le handicap est une réalité. Le handicap n'est pas un mensonge cosmique. L'homme est handicapé en ce sens que l'homme ne sait pas. Bon, l'homme est expérientiel, l'homme sait par l'expérience. Mais son savoir étant expérientiel, c'est un savoir décalé sur l'instantané. C'est-à-dire que son savoir est toujours un savoir en arrière, un savoir qui est perdu dans le temps. Et ce savoir-là, on l'appelle la connaissance, c'est de la mémoire. L'être humain est manipulé. Maintenant, à partir du fait que l'être humain est handicapé, puis que l'humain vit expérientiellement, puis que l'humain veut expliquer ce qu'il vit, l'humain va engendrer le mensonge cosmique. Et le mot du problème, c'est parce que l'humain engendrant ce mensonge cosmique, finit par s'entourer tellement de mensonges, puis là, il en fait une vérité. Le mensonge... Daniel, on vient de mentionner tantôt que l'humain est habité. Ouais. C'est pas lui qui décide. Absolument. Il est totalement manipulé à un niveau ou à un autre. Alors, si c'est le cas, comment peut-il être engendré lui-même le mensonge cosmique? Il ne l'engendre pas volontairement. Il l'engendre. C'est lui qui l'engendre. C'est l'astral qui l'engendre dans lui. Tu dis que tu es là dans un mur. Comment elle peut faire un trou? Elle fait un trou. Elle n'a pas besoin d'intention. Mais c'est elle quand même qui fait le trou. Ce ne serait pas plutôt les mondes parallèles qui viennent l'habiter, qui viennent entre ses deux oreilles, y penser dans sa tête, qui crée qui génère... C'est-à-dire que l'être humain est handicapé d'un paquet de façons. C'est ce qui va... Qu'est-ce que c'est les mondes parallèles? Mon astro, mon manteau. Oui. Ainsi que éthérique, pour moi. Oui. Le monde astral, c'est un monde créé par l'expérience. Le monde mental, c'est un monde qui est créé par l'astral, qui est écœuré de l'astral. Puis l'éthérique, c'est connu dans le contexte de l'astral uniquement à travers le plan mental. Donc, ce que l'humain connaît d'éthérique, c'est de l'astral. Ça a été astralisé. Bon, puis l'astral est créé par l'expérience, puis l'expérience a créé l'homme, puis l'homme a créé l'expérience. Donc, l'homme crée le mensonge cosmique. Il n'y a personne qui a forcé l'humain au départ. Au départ, il n'y a pas d'entité particulière qui force l'être humain à croire en un Dieu. Mais par le fait que l'humain est handicapé, puis que l'humain a des vestiges de son savoir, de sa provenance, il explique sa présence ici, et devant son incapacité de faire les choses, il en déduit qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait pour lui. Dieu. Puis là, l'humain invente le mensonge cosmique au fur et à mesure. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'après 350 millions d'années d'expérience de mensonge cosmique, c'est évident que là-dedans, il y a des égrégores qu'on peut appeler des entités. Puis c'est évident qu'aujourd'hui, ces bébelles-là complets viennent. Si on serait 300 millions d'années en arrière, le dialogue serait beaucoup, il y aurait moins de mots, mais le dialogue serait beaucoup plus clair. On dirait quelques mots, puis on comprendrait bien plus de choses. Parce que tu n'aurais rien pour colorer en termes d'expérience. 300 millions d'années plus tard, aujourd'hui, l'être humain est manipulé donc par un paquet d'égrégores, par des mensonges, des concepts, des archétypes, puis tout ce qui est là. Mais ce qui est là, fait par la majorité de ce qui est là, sort de l'homme. Puis je ne dis pas que l'homme est coupable, ça sort de l'homme. L'homme a servi de support pour pour la manifestation de tout ça. C'est l'homme qui est le générateur de cet astral-là. Quand tu es rendu, tu es capable de vérifier des canaux, de te déconnecter à certains canaux, l'avantage qu'il y a, c'est que tu cesses de nourrir le monde astral. Puis si tu cesses de nourrir le monde astral, tu cesses de nourrir ta sphère astrale. Puis tu laisses faire. Ta sphère astrale, cessant de la nourrir, ce qui arrive, il arrive que tu es de moins en moins manipulé par des pensées qui viennent te confirmer des réalités ou des vérités. Alors, tu as des idées, tu es encore manipulé. Et quand tu as une idée rentre, tu sais que c'est une idée. Alors que quand tu n'es pas suffisamment capable de te déconnecter, tu continues à nourrir ta sphère astrale. Puis chaque fois qu'une idée rentre, tu es sûr que c'est l'idée. L'humain est mal pris. Bon. Admettant que ce que tu as dit tantôt est réel, que c'est l'homme qui s'autogénère le mensonge cosmique, qui crée, ce serait le prix de son confort, le confort actuel qu'on a, qui a ramené à travers la mémoire. Bon, le prix, disons, c'est une des résultats. Les hommes d'affaires, hein? C'est le prix de l'illicite, une redevance. Non, la redevance, là, c'est plutôt qu'un initié, c'est un médecin. Si un initié n'est pas médecin, ce n'est pas un initié. Ça, c'est officiel. Disons, je n'ai peut-être pas les mots pour l'expliquer, je pense que... C'est un mot du passé, évidemment. Oui. Mais le mot est correct. Effectivement, les initiés sont toujours médecins, mais pas nécessairement médecins physiques. Il faudrait que tu me passes le dictionnaire de l'avenir pour que je puisse te parler. Bon, admettant que l'homme autogénère sa condition, il s'auto-plante, oui. Il se fourvoie indirectement, il s'auto-souffrance pour élever son taux vibratoire. Ça élève son taux. Ça l'a élevé mécaniquement parlant. Mais c'est pas pour ça. L'homme ne souffre pas pour s'élever. Il y en a, évidemment, qui essaie de le faire. Non, il souffre. C'est pas dans ce but-là, mais ça se fait automatiquement. C'est ça. Ouais. Mais la mécanique de l'humain, de la race humaine sur la planète Terre, est de faire en sorte que ça arrive. Et la résultante, comme tu dis, le taux vibratoire est élevé. Tant que l'humain va l'avancer, l'humain va souffrir. Puis ça, il faudrait qu'on en reparle parce qu'il y a des clés là-dedans. Si je veux en venir à ceci, c'est que ça étant comme ça, qu'est-ce que c'est qui fait la relation entre les maîtres du monde et l'homme? Qui si l'homme a autogénéré ça, il devrait être en mesure, est-ce que c'est lui qui va se révéler la réalité pour connecter avec sa source? C'est que l'être humain est considéré par l'être humain, et l'être humain est considéré par les maîtres du monde, et l'être humain est considéré par les dieux puis par les mondes astraux comme étant uniquement de la chair atomique. L'être humain se considère comme étant rien. OK? Les maîtres du monde considèrent l'être humain comme étant des unités potentielles à ramasser de l'énergie. L'être humain fait la même chose. Je ne parle pas de déconscientiser. On va revenir là-dessus. Okay. Mais les êtres humains... Je voudrais qu'on arrête juste... ...investissent l'énergie, puis tous les êtres humains se sentent médiocres, se sentent niaiseux, rampent devant leur Dieu, rampent devant le diable, rampent devant la nuit, rampent devant les étoiles, devant les extraterrestres. Tous les maîtres du monde font la même chose. Ils considèrent l'humain comme étant de la merde. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ben, c'est je vais te dire pourquoi. Je vais te dire où je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec les dieux, avec les toutes les bébites non matérielles, mais je ne suis pas d'accord avec les maîtres du monde. Pourquoi? Parce que le maître du monde a la faculté de prendre corps physique. Il vient, il sait qu'est-ce que c'est qu'un corps physique. Le dieu, il ne sait pas, lui. À ce moment-là, je suis d'accord avec toi. Mais l'autre qui contrôle la planète Terre, c'est pas que Dieu. Le dieu contrôle indirectement, mais il est contrôlé par les maîtres du monde. Le maître du monde, quand il prend corps, il comprend la souffrance, il comprend le désir. Mais il considère le monde comme un lot d'imbéciles. Pas émotivement. Mais il considère le maître du monde, là, qu'il n'y a un qui meurt là-bas, ou 300 000 là-bas, il n'a rien à foutre parce que c'est de la chair à énergie. C'est uniquement des unités carbone capables de prendre de l'énergie. Les religions, les maîtres du monde font la même chose. Tout le contexte, et même l'humain fait la même chose. Les humains, là, ils roulent en imbécile sur la route. Ils prennent de l'alcool, ils prennent le volant, ils meurent, ils s'en contrefous. Ils prennent de la drogue, ils se disputent. Ils font de la guerre, ils vont à la chasse, ils font de la boxe, ils font des sports violents. Tout le monde se fout de son corps, tout le monde se fout de sa vie. Les gens mangent, crochent, les gens s'empoisonnent sans arrêt. Toute l'humanité au complet se considère comme étant de la chair à énergie. La viande à chien. Avec une grande différence, c'est que l'homme fait tout ça sans être conscient de ce qu'il fait. C'est évident. Tandis que l'autre groupe qu'on a mentionné est vibratoirement plus élevé. Il y a le statut d'immortel. Alors tu pardonnes à l'humain, mais tu haïs l'autre. Non, je haïs pas l'autre. Seulement que il pardonne pas. La clé de la souffrance, c'est pas que j'y pardonne pas. Non, pour l'instant, c'est comme ça, là. Tu m'empêches de dire ce que je veux dire. Je m'en suis rendu compte. Continue. Alors, la clé de la souffrance. Oui, la clé de la souffrance, du moins pour les conscientiser. En bas de ça, c'est différent. Pour les conscientiser. Puis, il y a des choses que... quand tu parles, comme tu dis, des maîtres du monde qui considèrent la chair atomique, les azotes, blablabla. OK. Mais... oui. Mais quel est leur intérêt à to stick to their job, pour continuer à faire continuer à faire ce qu'ils font? Quel est leur intérêt de faire ça? Le problème majeur... De diriger l'humanité. La majorité des structures des maîtres du monde, des structures évolutionnaires actuelles, sont des structures d'évolution. Les maîtres du monde sont là pour te faire évoluer. Oui. Il n'y a aucune structure planétaire actuelle implantée solidement qui a comme fonction de permettre à l'être humain de se conscientiser. Il n'y en a pas. Tout est orchestré en fonction de l'évolution. Mais l'évolution, ça se fait uniquement par souffrance, par ajustement dans l'expérience. Que ce soit l'évolution darwinienne, que ce soit l'évolution humaine, psychologique, astrale, etc. Les maîtres du monde sont là pour te faire évoluer. Quand tu évolues, tu augmentes ton potentiel d'énergie à cause de la souffrance. Puis l'évolution, qu'est-ce que c'est l'évolution? C'est l'adaptation génétique au niveau de la biologie. C'est l'adaptation vitale, astrale et mentale. C'est uniquement de l'adaptation. Quand tu as mangé suffisamment de marde, là, tu finis par comprendre. On dit comprendre. Bon, comprendre, tu s'entends. Mais là, tu ne le fais plus. Mais il n'y a pas ça, c'est de l'évolution. Puis à un moment donné, tu arrives à de la conscientisation, sauf que toutes les mécaniques, les maîtres du monde inclus, les dieux, les êtres, tout ce que tu voudras ramener au niveau du cosmos présentement, à part les nouvelles interventions, les nouvelles, très très rares nouvelles interventions au niveau du contexte de l'intelligence, toute la mécanique qui s'occupe de gérer la conscience humaine du fin fond de son atome à aller jusqu'au plus grand de ses illusions, ça s'occupe uniquement de l'humain en fonction de le faire évoluer. Donc, nécessairement, toute l'humanité complète devient de la chair à énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'en balance. tu meurs pas, t'es bon, t'as fait le bien. Ça n'a rien à voir, ça nourrit le plan astral. Tout ce qui est important, c'est que tu crées de l'événement et de l'expérience de façon à créer des mouvements dans l'astralité, des mouvements dans le physique, des mouvements dans le vital, des mouvements dans le mental, pour permettre l'adaptation évolutive, donc évolution adaptative. Lorsque l'être humain arrive à un certain niveau d'évolution adaptative, il finit par ce qu'il atteint les prémices de la conscientisation. Puis quand l'humain atteint les prémices de la conscientisation, l'humain appartient à un autre monde. Il n'appartient plus à ce monde-ci. Mais l'humain a toutes ses racines dans ce monde-ci. Les racines, c'est ton corps physique, ton corps vital, astral, toutes tes mémoires incarnationnelles, toute ta génétique sur toutes tes planétaires. C'est tes racines. Mais tu n'appartiens plus. Moi, je n'appartiens pas à ce monde-ci. Je suis encore dans ce monde-ci. Je n'appartiens pas à ce monde-ci. Bon. Puis j'ai des avantages. Ouais. Oublie pas ce que tu continues. Oublie-le pas pour continuer. Mais tu n'appartiens plus à ce monde-ci. Mais par contre, si tu tu rouvres un canal astral, à ce moment-là, tu réappartiens à ce monde-ci. Tu as la quand tu dis que tu n'appartiens pas, ça voudrait dire que tu as la faculté. Est-ce que tu veux dire que tu as la faculté de sortir de la possession d'un monde parallèle, du monde astral, pour te connecter à ta propre source quand tu veux? Tu le fais presque à volonté maintenant. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Ça, c'est officiel, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que je n'appartiens pas à ce monde-ci du point de vue chronologique, du point de vue de ma conscience, du point de vue... Vibratoire. Oui. OK. Je suis réellement un visiteur. OK. OK, à partir d'un moment donné, l'être conscientisé finit par éclater ailleurs, puis ce qu'il va se former ailleurs n'appartient pas au monde où il a ses racines. Bon, il reste encore physiquement implanté ici. Puis ça, il n'y en a pas beaucoup sur la planète. Il y a un paquet de personnes qui peuvent penser qu'ils sont de même, mais il faut, quand tu es de même, tu as de l'information. Tu as un savoir, puis il n'y a pas quelque chose auquel tu es relié. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que l'être humain, quand il commence à se conscientiser, il va s'ouvrir, puis quand l'humain se conscientise de plus en plus, progressivement, il se téléporte, il s'en va ailleurs. Puis à un moment donné, quand je parle au niveau de la conscience, évidemment, et progressivement, l'être humain finit par ne plus être de ce monde. Il y en a un paquet parmi les gens qui sont ici, parmi les gens qui écoutent, qui, dans pas grand temps, n'appartiendront plus à ce monde. Maintenant, le maudit handicap là-dedans, c'est que l'être humain qui n'appartient plus à ce monde, l'être humain qui commence, qui se centre dans son intelligence, l'humain qui est capable de se servir d'intelligence dans le contexte planétaire pour faire partir les réacteurs de façon à amener le reste au complet avec lui en haut, l'humain qui va se sauver lui-même, autrement dit. Lorsque l'être humain commence à être là-dedans, l'humain reste par ses racines attachées à un monde d'évolution. Puis toutes les mécaniques dans le monde d'évolution ici sont toutes orchestrées de façon à ce que l'humain en arrive là, mais aucune des mécaniques ne sait quoi faire avec un humain qui en arrive là. Les maîtres du monde ne savent pas quoi faire avec moi, ils ne savent pas quoi faire avec toi, ils ne savent pas quoi faire avec un paquet de monde ici. Donc, ça engendre, des contextes planétaires conventionnels qu'on pourrait appeler la peur, la crainte. Ce n'est pas une peur comme l'humain a peur, là, mais c'est une chose qu'on pourrait appeler comme synonyme, disons. Mais ça engendre le fait que toutes les structures de Saint-Germain aller en descendant jusqu'au fin fond des maîtres du monde ne savent pas quoi faire avec un être conscient. Pourquoi? Parce que l'être conscient, c'est un peu comme un enfant trop brillant dans une classe où tu as prévu un lot, puis cet enfant-là, ben, il est trop intelligent. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu le drogues, tu le rétabilises, tu le bats, tu le chicanes. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils nous mettent dehors. Bon, là, on va s'en aller. Mais présentement, ils ne veulent pas parce qu'au nom du fait des autres, c'est la spiritualité. C'est injuste le reste du monde, de l'humanité. C'est tout un paquet de niaiseries de même. C'est pas prévu, cette affaire. Aucun être n'a de force sur quelqu'un qui est connecté avec sa source lorsqu'il est connecté avec sa source. Mais lorsqu'il ne l'est pas, par contre, il peut se faire... C'est pour ça qu'ils font tout pour le déconnecter sans arrêt à travers les canaux. On fait exactement... L'humain fait la même chose. Alors, regarde ce que l'homme fait, les dieux font pareil. L'homme se venge, les dieux se vengent. L'homme a peur, les dieux ont peur. Bon, c'est identique. Qu'est-ce qu'on fait avec un être humain trop en avance? On bûche dessus pour qu'il récapitule. Ou on le met dans un endroit extraordinaire pour les êtres humains avancés, puis là, on va s'organiser d'une façon extraordinaire pour le ramener à être normal avec les autres. Faire ça de nouvelles sectes, des nouvelles religions, des nouvelles sortes, des nouveaux organismes ésotériques, pour l'élite, pour les élus, pour rendre le monde aussi épais que le reste de l'humanité, épais comme il devrait l'être. Le problème avec l'être conscient, c'est que veut, veut pas, même si tu l'épaissis énormément, à un moment donné, le fur sort encore, puis... Et c'est là qu'il souffre, l'être conscient. Ça fait quand même 2000 ans, c'est dans le passé, mais quelqu'un a connecté avec sa source solidement, et puis il est mort sans croix. correct. On peut dire... C'est pas vrai ce que tu dis là. On peut dire, oui, c'est correct. Tu peux le disloquer puis dire que la partie n'est pas morte, puis l'autre partie est morte, puis la partie éthérique n'est pas morte, puis tout ça. Ça, je comprends. Mais bon, la réalité... Humainement parlant, il est mort sans croire. Bon, il est mort sans croire. Et puis, il était connecté avec sa source. Sa source, pour le temps, on l'appelait le Père. Il l'appelait le Père. Lorsqu'il était sur la croix, et qu'il le dit ceci, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Quelle a été la réponse de sa source? Elle n'était plus là. Il n'y a pas eu de réponse. Elle n'était plus là. La source n'était plus là parce qu'elle l'avait abandonné. Non, parce qu'elle l'avait laissé. Quelle était l'intelligence de ne pas répondre à cette question lorsque... Je pense, j'ai l'impression que toutes les autres questions étaient répondues. Non. Répondu. Il faut comprendre simplement, c'est que la question est posée par un être spirituel qui reste un peu de terre. Puis il faut qu'on cesse, puis je comprends ta question, je la vibre, je suis compétissant avec le questionnaire. Non. Ce que je veux dire, c'est que... Non, moi je veux en arriver à une chose, Daniel, c'est pas la spiritualité, c'est que tantôt on a mentionné... Tantôt on a mentionné, tu reviens toujours au côté spirituel, tantôt on a mentionné que la seule façon qu'on pouvait être intouchable, c'est de connecter avec sa source. Bon, je vais chercher un exemple de 2000 ans où il y en a un qui a connecté avec sa source suffisamment solide pour être en mesure de faire un tas de choses, puis on l'a disconnecté de sa source. Je vois pas la spiritualité, je vois pas le côté spirituel. Tout ce qu'on fait ici, c'est du spirituel. Ça spire. Mais c'est pas le côté spirituel. Tu m'amènes toujours ça. Lâche-moi avec ça. Bon, là, ce que tu viens de dire est correct. Quand tu le parlais tout à l'heure, c'était spirituel. C'était « je vois pas l'intelligence du fait que… » etc., etc. Ce que je veux qu'on comprenne bien, c'est qu'il y a… On ne peut pas puis on ne doit pas plus essayer d'expliquer ce qui se passe dans les hautes sphères en fonction de nos attentes dans les sphères inférieures. On ne doit pas. C'était, je comprends l'idée que... On ne doit pas, mais quand même, l'homme qui... On doit se créer. Je veux qu'on sache, je veux qu'on se rapproche du savoir, de qu'est-ce que c'est qui arrive lorsqu'on se connecte à notre source. Il y a des possibilités que la source disparaisse. Pourquoi est-ce qu'elle disparaît? Qu'est-ce que l'homme a fait? Est-ce qu'il est venu 2000 ans avant son temps? La source, là, lorsqu'elle se connecte avec un être humain, elle ne lâche plus. Puis c'est bien plus ça le problème de l'humain qui se conscientise que l'inverse. Les gens n'ont pas perdu leur source. Les gens ne sont pas nés avec leur source. Dans le cas du Nazaréen, tu prends un exemple spirituel. Bon, tu prends un exemple spirituel. Mais Daniel, je ne peux pas prendre des exemples autres que de lui, parce que quel autre qu'on sait que... Jésus ne s'est pas connecté avec sa source. Jésus a été relié à la source du Christ. L'homme est multidimensionnel. Jésus faisait partie du Melchisedec, il faisait partie du double qui a été créé. Tout ça, c'est une entité. Si on les sépare tous individuellement, on ne sera plus 5 milliards d'individus, on va être 26 milliards d'individus sur la planète. L'entité de Nazaréen, c'est lui, quelle partie qui a souffert? C'est pas le Melchisedec qui a souffert. Mais moi, je parle de la partie qui a souffert. Je parle de Jésus. Oui. Ben oui. Mais c'est la même partie. Jésus s'est fait fourrer. C'est une multidimensionnalité. Bon, ben c'est ça. C'est pas sa source. Mais nous, on est ici, on paye pour venir, pour apprendre des choses, pour que, justement, qu'on souffre moins, qu'on comprenne plus. Puis lorsque la réalité est étalée devant nous, on va avoir moins de chance, on va avoir plus de chances de souffrir moins. Moins de chances de souffrir, ouais, c'est correct. Ça a-tu de l'allure, ça? C'est officiel. Bon, ben, c'est pour ça que... Ah, j'avoue, j'ai pas protesté. Je te dis que la source, quand elle touche l'humain, elle lâche pas. Puis l'humain, il se plaît bien plus de ça que de l'inverse. La source touche chaque humain à sa naissance? Non. Oui. Mais... Mais ça, c'est aussi illusoire que d'autres choses que je dis que tu veux pas. C'est beau, ça. La source touche tous les humains à leur naissance. C'est bien officiel. Mais la source ne les lâche pas non plus, ces humains-là. Sauf que la source, elle peut pas rien faire avec ces humains-là. Elle fait rien avec ces humains-là. C'est l'astral qui les ramasse beaucoup plus puissamment. Parce que l'astral les ramasse aussi, l'humain. L'astral, c'est sacré, l'humain. De temps en temps, la source fait des petites affaires. Oh, des petites pètes. C'est ça. Mais c'est pas un coup de petites pètes. Qu'est-ce que c'est que la source qui répond, qui a dit « Pourquoi tu m'as abandonné? » Bon, je vais essayer de retrouver ce qui s'est passé à l'intérieur de Jésus quand la source l'a laissé là. Ça lui a rien dit, puis ça lui a tout dit. En réalité, ce que ça l'a fait, puis ça l'a fait ce qui se passe souvent chez lui-même. Et là, on va expliquer les sources après. Il faut que tu reviennes là-dessus. OK? Les différentes sources. Ce qui est arrivé simplement, puis là, vous pourrez peut-être pas tout comprendre, là, il faut être télépathe un petit peu, c'est quand la source est partie, lui, il s'est retrouvé tout seul sans croix. Là, évidemment, il a crié, « Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? » Il parlait de sa source, qui était le Nazaréen, qui était l'énergie christique, la fusion michaélienne. Mais tout ce qui est resté, ça a été l'entente qu'il avait eue entre lui et sa source. Mais pas sa source, mais le voyageur. Tout ce qui est resté, c'est la mémoire énergétique lumineuse de l'entente. C'était « Tu le sais ». Ça finit là. Fait que là, lui, il était sur sa croix, là, il, je le sais. C'est quoi? Mais il savait tout. Et l'humain sait tout aussi. Oui, de la même mais façon qu'on sait tout. Ouais. Mais n'empêche que c'est ça. Tu poses la question, là, qu'est-ce qui est resté? Je ne dis pas que c'est plaisant, mais très souvent, qu'est-ce que je dois faire pour gagner? Tu le sais. Il n'y a rien de plus chiant comme réponse que je le sais. Mais c'est vrai que tu le sais. Lui, il le savait. Ça faisait 30, 35 ans, 37 ans que c'était dedans lui. Il le savait. Tout ce qui est resté, là, c'est que tu le sais, puis maintenant, moi, je suis plus là. Puis le gros de la souffrance, c'est beaucoup plus le « moi, je suis plus là ». Hein? On comprend l'idée. Les sources. Rappelle-moi d'en parler. Pas maintenant. Mais non. Maintenant, les sources. J'en ai déjà parlé, mais pour le bénéfice de ceux qui n'ont pas compris, je répète. Une source descend à travers un être humain. N'est-ce pas la chose extraordinaire? Et il y a d'autres êtres humains. Et là, moi, quand je parle d'une source, là, je parle de... Peut-être que tu es un Européen, toi, là. Et quand tu vois un petit filet d'eau à terre, là, tu dis, « Oh, une source! » Moi, je suis un Québécois. Moi, quand je parle d'une source, là, c'est pas mal plus large que ton filet d'eau. On va aider. Bon. Alors, moi, quand je dis à l'être humain relié à une source, les autres êtres humains sont reliés à des petits filets d'eau, là. C'est pas des sources. Autrement dit, sont reliés à une source, bien, l'être humain est relié à un fleuve, ici. Alors, l'être humain qui est relié à une source fluvienne, fluviale, cet être humain-là, il reçoit plein d'énergie, puis qu'est-ce qui arrive avec son énergie? C'est que vu qu'il ne peut pas tout la gober, il la rayonne. C'est mon cas. C'est ton cas. Puis c'est le cas de d'autres personnes ici. C'est le cas de la majorité des êtres humains qui ont eu un contact un peu plus puissant que leur source. La rayonnant, qu'est-ce qui arrive? Tu viens ébranler le canal de la petite sourcette ici, là, des individus qui t'entourent. Puis là, tu viens remplir ces individus-là d'énergie. Oh, que c'est extraordinaire! Et là, ce qui arrive, c'est qu'il y a plein d'êtres humains autour de toi ici qui sont reliés à ton faisceau ou pas reliés à ton faisceau et qui vont bénéficier de ton rayonnement à travers leur propre petite source. Et ces humains-là, ce qui leur arrive, phénomène extraordinaire, c'est qu'ils deviennent intellis. Pas intelligents, pas encore, mais intellis, presque. Ils augmentent, ils deviennent un petit peu intelligents, ils deviennent un petit peu rayonnants, ils comprennent ce que tu dis, ils voient la même chose que le Nazaréen ou que n'importe qui, puis là, tout le monde est merveilleux. Les gens se conscientisent, ça monte. Mais là, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que l'individu qui est ici, qui rayonnait, développe une solidité au niveau de ses corps inférieurs, capable de recevoir et de commencer à récupérer ses énergies. Autrement dit, maintenant, il est rendu suffisamment solide pour ramener les choses vers lui. Alors là, il va commencer à aller voir les individus au niveau énergétique, les individus qui l'entouraient, puis il va aller rechercher ce qu'il a mis dedans. Ces individus-là servaient de banques. C'est des banques d'énergie. Mais avec possibilité de retrait, différemment du monde de la mort, plus complexe. Alors, il allait rechercher les énergies de ces individus-là. Donc, ces individus-là peuvent tous dire, « Ouais, mais là, je suis coupé de ma source. » Mais ils n'ont jamais été coupés de leur source, mais ce n'était pas leur énergie qui les rendait intelligents. Quand lui va rechercher, puis là, c'est pas quelque chose, là, comme moi, je ne me souviens pas en me disant, « Tiens, je vais aller chercher l'énergie là-bas, là, j'ai soif. » À ramasser un. Progressivement, Les individus qui entourent l'initié finissent par comprendre de moins en moins l'initié, finissent par comprendre de moins en moins ce qu'ils comprenaient apparemment avant. S'ils étaient inécologiques avant, devenus écologiques après, redeviennent inécologiques après. Puis là, on a l'impression qu'ils baissent en vibration, puis lentement, bien là, ils deviennent plus niaiseux, puis ça chicane, puis ils partent, puis ça en va. Puis ils redeviennent à peu près comme ils étaient avant, peut-être un petit peu mieux à cause de l'expérience, mais ils redeviennent ce qu'ils étaient avant. Bon, ça, on en a connu plusieurs tous les deux, les individus parfaits qui, à un moment donné, deviennent des individus comme ils étaient avant. Là, moi, j'ai rapatrié, puis ça, les initiés le font toujours, rapatrié leurs énergies chez eux, donc l'ancienne garde, donc les individus qui étaient là en premier au départ, à un moment donné, ben, ça se dissout, puis ça s'en va. Il y a une nouvelle garde qui arrive, qui prend des énergies d'un autre niveau, qui deviennent toutes des banques d'énergie. Puis à un moment donné, ben, l'individu récupère ses énergies. Puis là, encore une fois, les individus redeviennent un peu comme ils étaient. Puis ça fait poser des questions aux gens. Comment ça fait qu'un tel là, puis là, bon. C'est ça. Des millions d'années à millions d'années, il y a eu beaucoup, beaucoup comme ça de va-et-vient. La profession n'est pas stable. La profession de gardien, c'est pas stable, ça. Mm-hmm. Bon. Mais ils n'ont jamais été coupés de leur source. Ils sont remplis de la source d'un autre. Puis à un moment donné, les énergies, puis s'en va. Mais les individus qui ont goûté et qui ont bénéficié pendant longtemps de la source de l'autre ont l'impression que c'est leur source. Et c'est d'ailleurs ce qui va faire en sorte, spirituellement parlant, là je ne parle pas de toi, je parle des spirituels, où on va dire, écoute, tu nous le dois. Quand tu es nourri, le Nazaréen, les gens étaient nourris de sa source, les gens étaient exigeants de lui. Prends par exemple Michael Abraham Ivanov, il y a des gens qui étaient exigeants de lui, parce qu'il avait l'impression que c'est, écoute, c'est ma source, puis c'est lui qui... Bon, puis tous les mecs comme ça. Ça, c'est une des... c'est pas l'explication complète, une des explications du fait que les gens ont l'impression souvent qu'on les coupe de leur source. Maintenant, je te laisse continuer à travers le reste. C'est un des points qui arrivent. On continue. La personne qui est chez elle seule, qui veut se faire monter en taux vibratoire, avec une source qui peut la lâcher. La source ne la lâche pas. Mais ça, c'est un des facteurs qui peut la lâcher maintenant. Est-ce qu'on pourrait prendre un exemple? Si on prenait l'exemple suivant, est-ce que ça correspondrait à ce que tu viens d'expliquer? Que l'initié a comme donné des stéroïdes à ceux qui l'entouraient, physiquement, puis que là, l'effet s'en va graduellement, puis là, l'autre a moins de force. Mais il a connu la force, ça lui a permis de connaître une grande force. Il a tout connu au complet. C'est ça. Mais il était dans l'intelligence de l'autre. Il n'était pas dans son intelligence. C'est ça, par rapport à la dose, l'overdose que l'autre lui a donné. La surdose, c'est-à-dire. Maintenant, ça, il doit rester une mémoire dans la cellule de ceux qui l'entouraient, de ce qu'ils ont vécu de haut en vibration par rapport à ça. Puis ça ne facilite pas le... La mémoire qui reste chez la majorité des individus au point de départ, c'est une mémoire de haine. Pas nécessairement une grosse haine, là, mais disons de colère, d'envie, de jalousie. C'est une mémoire de cicatriseur. Créé par les cicatriseurs, les sida, le sinistre individu déterminé par l'astral, ceux qui parlent contre le monde. Bon, la deuxième vague, normalement, les mémoires qui vont rester vont changer leur vie suffisamment. Ils peuvent aussi cicatriser, ils peuvent ne pas le faire, mais normalement, ça change leur vie. Puis les individus, ça va les enligner vers quelque chose de conscientiatif, minimum d'évolutif. Puis normalement, les individus dans 3, 4e, 5, 6, 7, 12, 15, 20e vague, dépendamment des cas, les individus, il y a une vague à partir de laquelle les individus qui se rapprochent sont des individus qui sont déjà dans une certaine centricité dans leur propre intelligence et qui vont être capables de reconnaître le parallélisme entre l'intelligence de l'initié et le leur. Donc, ils vont trouver que ça vibre avec ce qu'ils pensent. Mais ils ont toujours été comme ça, ces gens-là. Et quand l'initié commence à s'entourer d'individus qui, avant de le rencontrer, étaient déjà du point de vue de l'esthétisme dans l'intelligence, de telle façon, ces individus-là ne font pas partie des gardiens comme les premiers. Ils peuvent évidemment recevoir de l'énergie. Mais quand l'initié rapatrie ses énergies, l'expérience laissée dans les individus va laisser un peu évidemment la même chose un peu, c'est naturel. Sauf que les personnes vont être capables de se servir de la mémoire de l'expérience comme une mémoire informative, leur disant, écoute, là, tu pensais que tu étais rendu, tu n'étais pas rendu. Mais tout le chemin, tu le vois. Eux vont le faire. Donc, les individus qui, depuis leur naissance, étaient comme ça, donc avaient déjà un esthétisme parallèle à l'intelligence de l'initié, ces individus-là ne souffrent pas, à part le vide, ne s'identifient pas. Puis normalement, même quand l'initié ramène ses énergies, ça leur donne le coup énergétique qu'il leur faut pour se centrer dans l'art, puis finalement devenir initiés aux outils. Bon, mais encore. Parallèlement, c'est ce que des conférences comme ça pourraient servir. Non, les conférences, ça a ça comme effet. Je donne des conférences, puis je fais un travail planétaire présentement qui n'a rien à voir avec tout ce qui était dit jusque-là. Mais ça a ça comme effet secondaire. Mon rôle est un rôle... Non, je faisais référence, Daniel, à tout ce que tu venais de répéter. De que... Ah ben ça, c'est sûr qu'avec les conférences, j'ai amené plein de gardiens d'énergie. Les gens se sont complets dans mon énergie. Et progressivement, j'ai ramené de l'énergie. Il y a des gens nécessairement qui sont déçus dans mon énergie. Et puis, patati patata, comme ça, en cours de route. Puis, il y a des individus, évidemment, qui restent dans le lard parce qu'ils ont toujours été dans le lard. Et puis, ce n'est pas une question de volonté. N'importe quelle personne ici qui se conscientise, même à un niveau différent, se sert de gardien d'énergie. Ça peut être sa maison au niveau spirituel, ça peut être la croix, les bibelots, ce que tu ramasses de l'énergie. Moi, j'ai déjà expliqué souvent que quand tu voulais récupérer de l'énergie, il fallait que tu détruises tes récepteurs d'énergie. Évidemment, en ce qui me concerne, je n'ai pas détruit mes récepteurs d'énergie, je n'ai pas détruit les humains qu'il y avait là. Mais c'est alchimiquement parlant, la façon de faire. Normalement, quand tu arrives à un certain niveau, l'initié tue. Comme ça, il ramasse ses énergies. En ce qui me concerne, moi, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que le niveau énergétique où je suis rendu fait en sorte que l'énergie qui est dans les humains revient vers moi automatiquement quand je suis prêt. Lorsqu'un initié vit ce que c'est que tu viens d'expliquer, il est normalement suffisamment haut vibratoirement, je pense, pour être connecté à son esprit, être connecté à son double. Pourquoi qu'il va récupérer l'énergie? Il n'est pas capable de la... c'est pas comme une rivière qui coule, ça? Pas ça, c'est que l'énergie que tous les individus ont ramassée, disons, les initiés satellites, tous ceux-là, l'énergie qu'ils ont ramassée, ils l'ont rendue humaine. Ils lui ont donné d'une forme. Cette forme-là, on pourrait l'appeler une expérience. C'est pas une expérience, ils lui ont donné une forme. Alors, la récupération de ces énergies prédigérées-là à travers les individus en question permet à l'initié d'avancer beaucoup plus rapidement, en ce sens qu'il n'a pas besoin de vivre une expérience entre l'ajustement du phénomène supramental pur puis de ce que l'humain vit sur le plan planétaire. Donc, ça lui permet de pouvoir ajuster, de pouvoir expérimenter son ajusteur de pensée, de pouvoir le placer pour que l'ajusteur de pensée soit encore plus ajusté, finalement, au contexte dans lequel il se trouve. On a déjà parlé de l'intentionnalité qui est presque nulle au niveau de la race humaine. Non, c'est pas presque nul. C'est nul? C'est nul. Mais la race humaine a été aidée par d'autres races. Les initiés qui venaient de d'autres temps, d'autres lieux. C'est tout faux, hein, ça? C'est vrai qu'ils sont venus. C'est vrai que ça l'a aidé. Mais c'est faux. Ils n'ont jamais été aidés par ces races-là. Si on disait que l'homme va l'initié de l'avenir, il va prendre source dans l'homme. Ça va être l'homme qui va être l'initié de l'avenir. Oui. Le Nazaréen, c'était aussi un homme, mais c'était un homme emprunté. Oui. Alors, il venait d'un autre temps, d'un autre espace. Mm. C'est un aide que la race humaine a eu. C'est dans ce sens-là que je parle. Oui, il est venu se connecter avec lui. Tandis que, dans les années qui vont venir, c'est nous qui vont devenir initiés. C'est l'homme qui va s'initier. Là, j'ai perdu ma question. Pas grave. La question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'une personne dans sa maison tout seul peut faire pour augmenter son taux d'énergie? Oui, ça, c'est plus important. Alors. Ça moi, je t'aide, là. Toi, tu... Bon. Tu veux une réponse explicative? Tu veux une réponse solutionnante? Je veux une réponse... atténuante? Je veux une réponse qui va permettre aux gens qui sont dans la salle ici de mettre des points de référence, éventuellement. Bon. Pour répondre à cette question, je serai dans l'obligation de mentir. Bon. Mais, si c'est réel que tu es dans l'obligation de mentir, mais... Ah, c'est totalement réel, Pat. Alors, je suis obligé de mentir. Pourquoi? Parce que la seule façon de faire comprendre à un être humain totalement assujetti, il faut comprendre que le mensonge est important. C'est comique. Mais bon, je vais dire ce que je vais dire, c'est que votre structure psychologique nous oblige à mentir. Vous ne pouvez rien comprendre parce que vous êtes tellement dans l'illusion que lorsqu'on vous amène la vérité, la réalité, c'est pour vous un mensonge. Parce que vous avez des attentes, des espoirs. Donc, pour être capable d'ouvrir les portes qui vont faire en sorte que l'énergie et l'information vont pouvoir pénétrer pour vous être utiles, on doit compter les mensonges que vous attendez. Puis là, vous allez être totalement accueillant, puis ça peut vous amener à avancer. Sauf qu'il faut absolument comprendre, à un moment donné, rendu à un certain niveau, que lorsqu'on vous a menti, c'était uniquement dans le but de vous faire avancer, et ce n'était pas parce qu'on était des menteurs qu'on tenait à vous cacher des choses. C'est des marches imaginaires que tu as installées. Exact. Imaginaire. Et c'est totalement imaginaire. Ça a permis de monter. Ça permet de monter tout le temps. Maintenant, l'individu qui a un ego qui se dit, ben moi, je ne veux pas qu'on me mente, toute l'information qu'il va recevoir, c'est une information qu'il ne pourra pas utiliser. C'est évident que si toi et moi, on parle au niveau mental, on va être capable de diagnostiquer le mensonge, de le décortiquer, d'aller parler peut-être, disons, d'une vraie valeur, puis en même temps, il faudra qu'on soit au niveau de nos corps astraux et être capable de dire, oui, mais en attendant, rien ne nous empêche d'espérer que ça va fonctionner. Même si au niveau du mental, on sait très bien que ça n'a rien à voir. Bon, c'est exactement comme je dis, l'individu part de là, il s'en va jusqu'au point X, puis rendu là, on l'a envoyé au point Y, qui est à 90 degrés côté. Mais lui, il visait le point au fond là-bas. Alors, on lui a fait croire que c'est là qu'il allait, c'est la seule façon de l'amener à avancer. Puis quand il arrive à un certain point, là, on lui fait voir que c'est plus ça qu'il faut aller chercher, que c'est là-bas. Là, il faut qu'il vire. Puis là, rendu à une autre place, on lui a fait voir encore plus loin, puis là, il finit par penser que tout le temps, il ne sait pas où il va, pas il ment sans arrêt. Mais si on lui dit, écoute, il faut que tu fasses les 45 000 détours pour arriver là, il va vouloir y aller en diagonale, lui, direct. Il ne peut pas, il n'y a pas de chemin. Il reste en bas, il niaise, il attend, il ne croit pas. Bon, il faut mentir. Alors, est-ce que vous êtes prêts à ce que je vous mente? Oui. Je vais te mentir. T'es un gars intelligent. Merci. Mais là, c'est pas tout du mensonge. Parce que le problème de l'humain, pas long, j'explique en même temps la mécanique de l'information, de l'intelligence dans l'homme. On s'amuse, là. Je fais ça, ça passe plus facilement. Mais on ne peut pas vous mentir comme ça. On doit vous mettre le mensonge dans une enveloppe de vérité. Hein? On doit emballer le médicament dans une enveloppe de sucre. On ne prendrait pas sans ça. Alors, je dois dire, Jacques est intelligent, il est fin, patati patata, puis à un moment donné, pendant que la bouche se prend ouverte pour avaler toutes les belles choses que je dis sur lui, le mensonge. Daniel, depuis que l'homme est homme, qu'il est menti, fait que ça ne change rien. Mais ça ne change rien dans le point de vue du mensonge. Accepter que tu dis qu'on commence à réaliser qu'on nous a menti. L'homme pense qu'il pense. L'homme a toujours pensé qu'il pensait. Bon, je vais te donner c'est lui qui pensait. Je vais te définir diplomatiquement le mensonge du point de vue d'un initié. Oui, OK. On ne ment pas. On s'ajuste au degré de compréhension des consciences autochtones. Bon. Les planétaires, les terriens. Alors, on ne ment pas. Faut que tu viennes là. Et moi, je vais y aller si tu me dis seulement que c'est beau. C'est beau. J'ai déjà tiré aux cartes, moi, du monde dans un marché aux puces il y a quelques années. Et puis, il y a du monde qui venait me voir et qui disait, écoutez, moi, là, je veux vous payer 10$, mais à la condition que vous me dites juste des bonnes choses. Ah, je n'ai pas payé 10$, je n'ai aucun problème, on dit juste des bonnes choses. Assez que ça me tentait de faire ça, bonne aventure 10$, mauvaise aventure 15$, puis vérité 20$. Mais j'aurais pu faire l'inverse, bonne aventure 20$, vérité 10$, mauvaise aventure 15$, et j'aurais payé 20$. Alors, c'est donc extrêmement important. Effectivement, les gens ont besoin de mensonges. On ne peut pas faire passer quoi que ce soit directement à l'humain actuellement. Donc, ce que faire pour qu'une personne puisse augmenter son taux vibratoire lorsque la musique, elle s'en vient pas, non? Tout à l'heure, c'était comme ça. Qu'est-ce que je déteste mentir. Après avoir dit, je t'ai pu mentir. C'est plus facile quand vous ne le savez pas. Hein? Ça passe. Alors, tu es assis dans ta chaise. Tu es totalement manipulé. Ton taux vibratoire est extrêmement bas. Puis là, il faut que tu t'arranges pour monter. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est déjà du mensonge, là. Parce que tu ne peux pas rien faire. Tu es manipulé. Mais l'avantage, c'est que mon mensonge, quand je dis ce qu'il faut que tu fasses, tu es prêt à le prendre, ça, là, parce que l'humain, dans son mensonge, est convaincu qu'il y a des barbets. Quand je dis ce qu'il faut que tu fasses, le ramassant t'ouvre les portes à ce qui va suivre. Puis l'information qui va suivre va venir, comme tout à l'heure on l'a vu, au niveau planétaire, va venir corriger chez toi tes mécaniques astrales qui t'assujettissent à des manipulations d'un ordre particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais te donner l'information à travers le mensonge, ça va être capable de venir impressionner ta substance astrale et ça va faire bouger des boutons, des leviers, ça transforme ta matière astrale et ça va faire en sorte que quand il va se passer des manipulations de l'extérieur d'une façon, d'un ordre particulier, d'une façon particulière, ça n'aura plus la même incidence chez toi. Donc, tu vas rester manipulé, mais dans le sens où l'intelligence, la tienne, la mienne, puis l'intelligence, non arnaquée, veut que tu t'en ailles. Mais pour arriver à te le dire, parce que si je t'explique en termes de réalité, tu ne pourras rien faire avec ça. C'est énergétiquement, ça te montre que je vais augmenter ton taux vibratoire, mais ça réglera pas le problème chez toi. Donc, ce que tu dois faire, un, c'est de te créer, je vais les écrire ici. Et c'est un mensonge fonctionnel. Puis pourquoi je ne veux pas, je tourne en rond un peu pour en parler? Ça ne paraît pas. C'est pourquoi je le dis. C'est parce que les gens ne verront pas la valeur énergétique de ce que je vais amener. J'ai un peu l'impression que je le dis pour rien. Je vais quand même le dire puis l'écrire. Amène-le, puis on le vivra après. On le vivra après. Voilà. Un, l'humain doit être capable de développer chez lui de l'espoir. Maintenant, l'être humain qui se conscientise ne doit pas faire ça. Mais pour le reste de l'humanité, c'est extraordinairement important parce que l'espoir, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergisation sans cesse de l'information que tu as recueillie d'un initié ou d'une source intelligente. Tu ne peux rien comprendre, mais t'espères. Cet espoir-là va te manipuler, on va dire, va te permettre de bouger pour aller là où tu dois aller. L'espoir est donc absolument essentiel, bien que l'espoir soit une illusion totale. Tu comprends là-dessus? L'espoir est généré par l'astral, par exemple. L'espoir est généré dans l'astral par la vibration d'une information de coloration astrale, donc un mensonge, provenant d'une source à caractère initié, soit supplémentaire, soit intelligente, OK? Parce que l'espoir de t'en sortir, d'être vivant, c'est toi, c'est ta source, c'est la même source. Snack. T'es bien mal pris, tu penses mourir, d'un coup, subitement, l'espoir revient. La source t'a amené de l'énergie, puis ça, tu vois, t'en crée un mouvement, ça crée une synergie qui subitement va te donner de l'énergie pour bouger, pour t'en sortir, pour partir. Ça va t'ouvrir pour avoir les idées. Puis tu penses que tu t'en sors, mais évidemment, tu t'en sors pas, mais c'est essentiel d'être appuyé sur l'espoir. L'être qui se conscientise ne peut plus supporter l'espoir, c'est un mensonge trop violent. Parce que, mais vous devez garder espoir. Mais garder espoir pour aller où tu ne sais même pas où, puis où est-ce que les gens qui se contactent sont brûlés sur le bûcher, crucifiés ou excommuniés, l'espoir, c'est plus bon. Là, l'humain, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit procéder donc dans une autre, il doit traverser, il doit faire pivoter la conscience de son ego pour que, du plan planétaire où il allait chercher les mécaniques astrales lui permettant de supporter le contact avec sa source. Ça veut dire que dans les mécaniques astrales, on a l'espoir, l'espoirisation, hein, la capacité d'engendrer de l'espoir. On a la recherche de vérité et ces choses-là. L'humain doit prendre les mécaniques astrales ici qui l'assujettissent au grand manipulateur cosmique, hein, c'est le Cosmic Muffin. Bon, alors l'humain doit s'arranger pour prendre la mécanique qu'il a assujettie au monde parallèle pour manipulateur, puis la faire pivoter pour qu'il ait cherché ses structures dans le monde nouveau. Et quand je parle du monde nouveau, je parle nécessairement d'un monde qui n'est pas déjà expérimenté par l'humain. Donc, l'avenir. Ça, c'est le passé. Dans l'actuelle psychologie humaine, avec l'espoirisation, l'humain et l'espoir font partie uniquement du passé. L'humain va vivre de l'espoir en fonction de l'expérience du passé, la sienne ou celle des autres. Il ne peut pas connaître d'espoir en fonction de l'avenir. L'humain va se dire, oui, mais je vais m'en sortir parce que je ne suis pas pire qu'un autre. On parle encore du passé. Ah, il y en a d'autres qui sont passés là par l'avant moi. Parce que l'humain vit un espoir en fonction des mécaniques du passé, mais pas en fonction des mécaniques de l'avenir. Alors l'humain va se dire, oui, mais plus tard, j'irai au ciel, ça fait déjà le passé. L'humain qui se conscientise doit appliquer une contrepartie supramentale de l'espoir qui fait partie d'une illusion, c'est-à-dire qui fait partie d'une nourriture effective, c'est efficace au niveau de l'ego, mais ça ne doit pas être arrêté et filtré par le mental. Si l'être humain commence à mentaliser, il arrête et il filtre, automatiquement, l'énergie que je te donnerais ne t'apprend pas. C'est exactement, je donne une pilule de sucre avec un truc dedans qui va te brûler l'œsophage si ce n'est pas enrobé, mais qui n'aura aucun problème dans l'estomac. Celui qui mentalise, il dit, hey, le sucre, c'est mauvais pour la santé, moi, je peux prendre la bébelle direct comme ça. Il se brûle au complet, puis il se met à chialer que la source est pourrie. Alors que la source, il donnait dans une capsule de sucre, puis là, ouais, tu me feras croire que c'est bon au goût. Je ne vais pas te faire croire que c'est bon au goût, tu ne pourras pas le prendre si c'est mauvais au goût. Alors là, c'est bon au goût. Le médicament est bon au goût, le médicament n'est pas bon au goût, le médicament est enrobé. Puis là, il faut tout qu'on y explique ça au mentalisateur, puis finalement, ben écoute, là, il est mort de la maladie avant ça guérit. Est-ce que mentaliser, Daniel, serait donner le contrôle aux égrégores astrales de ça? Oui, la mentalisation, c'est de donner. C'est quand tu donnes. Celui qui mentalise, c'est un être qui est possédé par. Parce que de plus dangereux, parce que de plus violent, puis de plus agressif, puis de plus je me fous de l'humain dans l'astral. Et c'est ces structures astrales-là qui normalement dirigent les mécaniques religieuses, les mécaniques de guerre, etc. Puis normalement, les individus, les entités auxquelles on a accès inconsciemment et involontairement par en dessous sont normalement beaucoup plus douces. Alors c'est beaucoup plus luciférien, style satanique, lui-même possédé par la mentalisation. On le détruit. On le détruit, puis ça, on n'a rien de la foutre, c'est plaisant. Ça le nourrit, puis il se détruit. Alors, l'espoir, il n'a pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Amène-lui n'importe quoi, il va te rationaliser ça, il n'y a rien à faire. La vie, c'est stupide, il n'y a rien. Rien, rien, rien. Puis, est-ce que c'est une étape qui est nécessaire dans la conscientisation? C'est une étape qui est nécessaire, mais c'est. Je suggère, moi, que ça dure une seconde ou deux. C'est une suggestion. La contrepartie de l'espoirisation pour l'animal humain ou pour l'autochtone planétaire, c'est l'utopisation chez l'être qui se conscientise. L'utopisation, c'est la capacité de braquer les mêmes mécaniques vers l'avenir. Donc, au lieu de réincarner des mécaniques du passé qui s'en sont sorties, à travers les vieilles expériences du passé, t'obligeant sans cesse donc à refaire ce qui a été fait, tu braques tes structures astrales vers l'avenir. Donc, tu vas maintenant t'en sortir comme dans l'avenir ils s'en sortent. Ce qui va faire en sorte que toutes tes capacités, tes réseaux énergétiques vont être branchés sur le neuf. Alors, c'est bien évident que ça reste une manipulation, que ça reste un mensonge en ce sens que c'est pas parce que l'autre l'a fait là-bas ou c'est pas parce qu'utopiquement tu vois que ça se fait que c'est une réalité. Parce que dans les futurs, tu as des milliards de futurs possibles, une infinité en réalité, comme dans le passé, mais le passé est plus cristallisé au niveau de nos consciences biologiques, vitales, astrales et mentales. Donc, l'utopisation fait partie de la première mécanique de l'individu assis dans sa maison tout seul à rien faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour parvenir, il y a d'autres chemins. Et qu'il y a une suite à ça. Mais ça, c'est le seul chemin. De l'espoirisation, l'humain de passer à l'utopisation. C'est sûr, quand toutes les religions, regardez, ça fait quelques centaines de millions d'années que l'humain, on va dire des milliers d'années, quelques 30 000 ans que l'humain vit uniquement psychologiquement basé sur l'espoir. Parce qu'on aura le bol aujourd'hui, on doit changer les choses. Il y a encore des humains qui ont de l'espoir chez eux, c'est pas un problème, l'espoir. L'espoir, ça te permet d'être manipulé. Puis, dépendamment de comment on va nourrir ton espoir, tu vas te manipuler vers ta source, donc vers la relaxation, vers l'abstinence, la souffrance, etc. Mais sauf qu'à travers l'espoir, évidemment, l'espoir c'est du passé, la majorité de l'information des sources sont colorées par le passé. Au niveau de l'utopisation, et quand je parle d'utopisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette planète, il n'y a jamais eu de paix réelle. Donc, l'individu qui dit, oui, mais moi, là, je réincarne de l'avenir, là, puis il y a une grosse, grosse guerre nucléaire, puis il ne reste plus rien, puis ça, c'est le passé. C'est pas de l'utopisation. C'est même pas de l'espoir. Fondamentalement, ça reste de l'espoir, du point de vue de la nature, même de l'énergie. Lui m'appellera ça une peur, mais il espère, mais il espérera quelque part avoir raison là-dedans. C'est pas de l'utopisation. L'utopisation fait partie de ce qu'un bonhomme, d'un livre qu'un bonhomme avait écrit à un moment donné, qui s'appelait Utopia. C'est un bonhomme qui a écrit, c'est Thomas Jefferson. Il avait écrit un livre expliquant une société nouvelle dans l'avenir. Et c'est de la première fois dans les écrits sur la planète qu'on avait, c'est un roman, on parlait d'une société où on acceptait différentes races, où les différentes formes de religion étaient tolérées, alors qu'à l'époque, tu étais chrétien ou tu mourais, tu étais musulman ou tu mourais. Il y avait toute une structure, les gens n'avaient pas besoin d'argent, la société s'occupait d'eux, mais le communisme n'existait pas non plus. Alors, lui a écrit ça ici, mais c'est normal, pour ce, de ce bonhomme. Alors, quand on parle de terme d'utopisation, c'est que tout va pour le mieux, dans un monde régi par de l'intelligence, c'est dans un monde d'avenir, et c'est un monde qui n'existe pas. Pour l'humain, être utopique aujourd'hui veut dire rêver quelque chose qui n'arrivera jamais. Sauf que l'utopisation veut dire être branché quelque part où effectivement, dans le contexte actuel, ça ne peut pas arriver. L'humain veut utopiser. Pour utopiser l'humain, là, évidemment, c'est long parce qu'on parle d'une grosse mécanique. Hein? L'espoir a servi l'humain pendant 30 000 ans, l'utopisation va le servir les quelques 12 ou 20 prochains milliers d'années. Bon, alors c'est sûr qu'on le résume comme ça, même, grosso modo. Puis moi, ce que je déteste, c'est que très souvent, ce que j'explique aux individus, c'est extraordinairement parfait, mais je ne veux pas mettre la forme, je ne veux pas mettre l'énergie, je ne veux pas jouer le rôle des initiés du passé ou des maîtres, ou qui vont à grand renfort d'énergie, pour implanter d'une façon impressionnante, donc pour impressionner la matière astrale avec ce qu'ils disent. Donc très souvent, ce qui va arriver, c'est que ce que je dis, n'a pas pour l'ego l'importance que ça pourrait avoir en termes d'utilité. L'utopisation, donc, de notre individu chez lui, l'individu utopise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre individu soit se rappelle des choses qu'il a entendues, soit que l'individu se mette à rêver, à imaginer donc à utopiser des structures de l'avenir. Ça veut dire que l'individu se réincarne, l'individu n'invente rien, l'individu est manipulé. Ça veut dire que l'individu commence à réincarner des mémoires du futur. Sauf que l'individu ne doit pas espoiriser son utopisation, c'est-à-dire que l'individu ne doit pas se servir de l'utopisation pour se déprimer. Ah, toi, c'est ça. Moi, je ne ferai jamais. Moi, je suis ici. Parce que l'humain doit être suffisamment utopique pour être capable de penser que c'est lui qui va changer les choses. Alors, comment on fait pour, en étant totalement manipulé, subitement passer de l'espoirisation à l'utopisation, quand tu es tout seul dans ton sous-sol? L'individu se doit, il ne peut pas le faire tout seul. Donc, l'individu devra, au préalable, avoir eu accès à de l'énergie d'une source. L'individu ne peut pas utopiser s'il n'a pas eu un contact avec sa source ou avec une antenne collective. Bon, moi ou d'autres du même genre. Ça veut dire qu'un individu qui vient à une conférence, l'individu qui a des contacts avec sa source chez lui aussi, Roddenberry, je crois son nom, c'est un individu qui a eu beaucoup de contacts utopiques, et... il a mis sur pied toute la série Patrouille du Cosmos, par exemple. Bon, où c'était à l'époque, à Casino Noir et Blanc, la première fois qu'on avait un noir, un russe, un chinois, à la bord d'un vaisseau d'une fédération, des planètes, d'une fédération unie, etc., etc. Puis leur but était d'aller là où l'homme n'avait jamais été, pas pour conquérir, mais pour reculer l'impossible ou encore pour avancer vers l'inconnu. Bon, alors lui, il utopisait. Alors, l'individu, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit se servir, se nourrir de ces matières astrales-là au niveau de son ego, des films comme ça ou d'autres genres de films, pour pouvoir utopiser, pour aller chercher de l'énergie. Alors, quand il est tout seul chez lui, son taux vibratoire doit être augmenté par l'utopisation. Donc, au lieu de commencer à se laisser aller, s'il a suffisamment d'informations par les conférences, les films, les livres, ben, veut pas, il aura la mécanique nécessaire pour commencer à utopiser. Puis avec ce que j'explique, donc je donne encore de l'information, l'individu va pouvoir poursuivre son utopisation. Mais l'utopisation va servir comme l'espoirisation. L'espoirisation Donc ici, on a la partie 1 en contrepartie, la partie 1 chez l'être qui se conscientise. En deux, au niveau de l'espoir, pour que ça fonctionne, l'espoir, il faut que tu puisses créer un lien d'attachement. Autrement dit, il faut que tu puisses t'identifier à la mécanique en face de laquelle tu vis de l'espoir. Alors, l'identification ou le lien d'attachement, le lien d'appartenance plutôt, est extrêmement important au niveau de l'espoir. Ça veut dire que si tu espères qu'un jour tu vas t'en sortir, il faut absolument que tu te crois chrétien. Les chrétiens vont s'en sortir. Ton espoir est manipulé par la forme d'énergie astrale qui t'amène à espoiriser. Il faut que tu puisses t'identifier à ça. Parce que si dans ton espoir, tu vois que les Russes s'en sortent, ton espoir ne sera pas nourri si tu n'es pas russe. Mais si tu vois que les Russes s'en sortent, puis que les Russes acceptent du monde, puis que toi, tu fais partie du monde accepté par les Russes, sentiment d'appartenance, identification ou implication au niveau de l'énergie, là, tu es capable d'engendrer. Tu as l'espoir chez toi, mais tu es capable de la faire, de la forcer à bouger, l'espoir, pour t'obliger à entrer dans une action. C'est ce qui va te porter à entrer dans une action, où tu vas maintenant être manipulé dans la démarche qui t'amène vers l'espoir. Au niveau de l'utopisation, c'est la même chose au niveau du plan 2, ici. Il faut absolument que tu appartiennes du point de vue astral. On parle encore du point de vue astral. Il faut que tu puisses t'identifier quelque part au niveau de ta structure psychologique à ton utopisation. Pour être capable de lancer la mécanique énergétique ici qui va hausser ton taux vibratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans ton utopisation, les gens n'insultent pas les autres, puis que toi, tu fais partie de ces gens-là, ça va engendrer une mécanique astrale qui va l'empêcher de manipuler à ne pas insulter les autres. Mais on va revenir après la pause, juste une petite chose ici. Il faut faire attention pour que l'identification soit une identification psychologique, mais que le mental n'embarque pas dans l'identification. Parce que sans ça, ce qui va arriver, c'est que tu vas tout transformer ce que tu veux faire ici par une mécanique mentale ou astrale, c'est-à-dire que tu vas exiger. Tu vas jouer le jeu. Voilà. Il faut pas que tu joues le jeu. Il faut que tu utopises et que tu vives astralement que c'est ça que tu dois atteindre. Mais tu joues pas le jeu que tu es ça parce que tu vas le jouer tout croche. Comme celui qui espère qu'il va être un dieu et qui joue des jeux au dieu, ça marche pas. Il faut que tu vives que c'est ça que tu veux atteindre. Au niveau de l'énergie, au niveau de ton ego, il va travailler dans une motricité énergétique pour t'amener là. Là, tu vas aussi être tout vibratoire en fonction de l'endroit où tu utopises. Comme de